Environ 3 ans après le mariage d'Hortense, en 1841, le baron Hulot d'Hervy passait pour s'être rangé, pour avoir « dételé », selon l'expression du premier chirurgien de Louis XV, et Madame Marneffe lui coûtait cependant 2 fois plus que ne lui avait coûté Josepha. Mais Valérie, quoique toujours bien mise, affectait la simplicité d'une femme mariée à un sous-chef. Elle gardait son luxe pour ses robes de chambre, pour sa tenue à la maison. Elle faisait ainsi le sacrifice de ses vanités de parisienne à son Hector chéri. Néanmoins, quand elle allait au spectacle, elle s'y montrait toujours avec un joli chapeau, dans une toilette de la dernière élégance. Le baron l'y conduisait en voiture, dans une loge choisie. L'appartement qui occupait rue Vanneau, tout le second étage d'un hôtel moderne, si entre cour et jardin, respirait l'honnêteté. Le luxe consistait en perses tendues, en beaux meubles bien commodes. La chambre à coucher, par exception, offrait les profusions étalées par les Jenny Cadine et les Schontz. C'étaient des rideaux en dentelle, des cachemires, des portières en brocart, une garniture de cheminée dont les modèles avaient été faits par Stidmann, un petit Dunkerque encombré de merveilles. Hulot n'avait pas voulu voir sa Valérie dans un nid inférieur en magnificence, au bourbier d'or et de perles d'une Josepha. Les 2 pièces principales, le salon et la salle à manger, avaient été meublées, l'une en damas rouge et l'autre en bois de chêne sculpté. Mais entraîné par le désir de mettre tout en harmonie, au bout de 6 mois, le baron avait ajouté le luxe solide au luxe éphémère, en offrant de grandes valeurs mobilières, comme par exemple une argenterie dont la facture dépassait 24 000 francs.